Activité 18. Compréhension orale. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions, puis vous entendrez deux fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez les questions. Première écoute. Un sondage a permis de déterminer quel était le plus grand Français de tous les temps parmi toutes les personnalités. Les téléspectateurs de la chaîne publique France 2 ont ainsi pu confirmer ce que beaucoup pensaient, le général de Gaulle est le vainqueur incontesté. L'émission était proposée lundi 4 avril et durait 3 heures, pendant lesquelles les téléspectateurs étaient invités à voter par téléphone, Internet ou SMS pour une des 10 personnalités qui avaient été retenues au cours des sélections précédentes. Deux présentateurs vedettes de la chaîne, Michel Drucker et Thierry Ardisson, ont animé la soirée. Dès le début de l'émission, le général prenait la première place, tandis que l'ordre évoluait légèrement entre les 9 autres. Chaque personnalité avait son avocat, c'est-à-dire quelqu'un chargé de convaincre le public de voter pour la personnalité qu'il soutenait. Le classement final fut le suivant. À la deuxième place, on trouve le savant Louis Pasteur, puis suivent l'abbé Pierre, fondateur des chiffonniers d'Emmaüs, Marie Curie, 2 fois prix Nobel, l'humoriste Coluche, l'écrivain Victor Hugo, le comédien Bourvil, l'auteur de théâtre Molière, l'océanographe Jacques-Yves Cousteau et enfin la chanteuse Édith Piaf. La liste initiale proposée par France 2 était composée des 100 plus grands Français de tous les temps. Apparemment, cette liste a été jugée incomplète par certains qui auraient souhaité y voir les noms de certains rois tels que Philippe Auguste, Saint-Louis ou Philippe le Bel, qui ont joué un rôle largement aussi important que le général de Gaulle en leur temps. Loin des sondages et des médias, un ouvrage récemment sorti en librairie vient pourtant de connaître un des plus grands succès de l'édition, « De Gaulle, mon père », coécrit par Michel Thoriac et l'amiral Philippe de Gaulle.